Générique. Performance audio littéraire. Audiolite 3, podcast pour Cartopod, décembre 2020. De Gaël Bandelier. Titre. Pour l'instant, je marche le long de la route, je longe la route, je traverse la route, je traverse le rond-point. Je me faufile entre les voitures passent, les voitures me font presque trébucher, les voitures tournent. Je m'installe au milieu du rond-point, les voitures tournent autour de moi, les voitures sans cesse. Je suis parmi les voitures, dans l'énergie tournoyante, les voitures forcent, poussent, peut-être. Force inutile, je reste là, je suis au centre du rond-point. Les voitures me tournent maintenant autour. Je tournoie sur moi-même, je me détourne, je contourne un sens et l'autre, je tourne, je me retourne. Je fais des tours sur moi-même. Parmi les voitures qui tournent autour de moi, je tourne, retourne, et je me tourne dans un sens, puis dans l'autre, je retourne encore, je me tourne, détourne, je fais des tours sur moi-même, encore, je tourne sur mon corps, je tourne moi-même, je tourne. J'aimerais pouvoir tourner, j'aimerais toujours tourner, comme l'inverse. J'aimerais encore pouvoir, mais il faudrait pouvoir s'arrêter. J'aimerais plus pleuvoir comme il pleut, comme la pluie, ce qui s'arrête, qui tombe simplement, qui se content simplement de tomber, sans chercher à tourner, sans chercher à se contourner de soi, sans aucun sens plus que l'éclatation, simplement se laisser aller, se laisser complètement couler, se laisser complètement sans simplement tourner, tomber, ne pas tourner, non. Justement, non, ça tourne trop. Il y a du vertige, un vertige centrifuge, un vertige, trop de force, un vertige que... J'aimerais simplement pouvoir rêver. J'aimerais rêver. Voilà, il faudrait rêver. Je ferme les yeux. J'aimerais, je ferme les yeux. Plus rien n'existe, il n'y a plus rien. Choses. Stop! Stop! Attends, maman. Un moratoire. Un moratoire. Un moratoire sur tout. Un moratoire sur le monde. Un mot giratoire. Mais un mot qui arrête tout. Un mot qui tourne, mais qui rêve. Un mot qui rêve. Révolution, des volutes autour de toute évolution, des volutes fixes, des volutes fixées, des volontés qui vont dans le même sens, mais qui ne tournent pas autour des unes des autres, simplement. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Excusez-moi. S'il vous plaît. Excusez-moi. S'il vous plaît. Excusez-moi. Madame, s'il vous plaît. Excusez-moi. Madame, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Madame, pardon, excusez-moi. Bonjour. Comment allez-vous? J'aimerais rêver comme une averse.